l'enfer des femmes, c'est la vieillesse, a écrit La Rochefoucauld. Ça n'est plus très sûr maintenant pour toi, femme de 40 ans, et même si, tu viens de rompre les amarres avec le port de ta jeunesse, tu hisses le pavillon noir des irradiés du temps qui stresse. Tu es entré en quarante. Si quelques rides aux paupières, si quelques séduisants séniles gris, petits roseaux prémonitoires parsèment ta forêt capillaire, si quelques kilos superflus irritent ta coquetterie, avec un peu de tricherie tu trouveras les artifices, les pleins, les déliés, les attraits pour embellir d'un nouveau trait les charmes de ta quarantaine. Maintenant ta fille a 20 ans, et qu'un apprenti Don Juan, très galamment pour te flatter, te dise: j'aime votre sœur. Tu n'es pas dupe, mais enfin tu remercies l'œil amusé, le juvénile flagorneur. Même s'il est diplomatique, un compliment vaut bien les baumes, les crèmes et les cosmétiques dont certaines de tes consoeurs abusent par peur de n'avoir pas les charmes de ta quarante. Voici donc à 40 ans, armé de cet inquiétant charme ambigu de la femme au triple visage, amante mère, femme enfant, tu as 20 ans pour te moquer, gentiment faire des ravages parmi les jeunes et vieux cons. Que sont les hommes? Les hommes, mais en général, attirés, séduits par les charmes. Les charmes de ta quarantaine. Mais n'abuse pas cependant, après le double doux visage vient parfois le double laid menton. Non, ne crains rien. Grâce à ma baguette magique, mon filtre anti-misogynique, pour 4 dizaines d'années, tu pourras encore profiter des charmes de ta quarantaine.